Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 88. Du vœu. Notion du vœu. Son objet, obligation qu'il impose, sa convenance, acte de religion, il est méritoire. Comment il devient solennel? Quels sont ceux qui ne peuvent pas faire de vœux? Dispense des vœux. Si on peut dispenser du vœu solennel de continence, qui peut dispenser des vœux ou les commuer? 1. Le vœu consiste-t-il dans le seul propos de la volonté? Le sage dit, si vous avez fait un vœu à Dieu, ne différez point de vous en acquitter, car une promesse infidèle lui déplaît. Ecclésiaste 5.3. Le vœu ne consiste donc pas uniquement dans le propos de la volonté. En effet, il implique l'obligation de faire ou de ne pas faire une chose, or c'est par la promesse, acte de la raison, que l'on s'oblige de la sorte. La délibération de la raison, le propos de la volonté et la promesse, voilà le vœu dans sa nature complète. Les autres choses, que, certains auteurs ajoutent, l'articulation vocale de la parole, la présence des témoins et les autres signes extérieurs, ne servent qu'à le mieux confirmer. Note. Le vœu prend son nom du mot volonté, parce que la volonté porte la raison à promettre quelques-unes des choses dont elle peut disposer. Fin de la note. 2. Le vœu doit-il avoir pour objet un meilleur bien? Promettre à quelqu'un que l'on agira contre lui, ou lui faire une promesse qui ne peut lui être agréable, ce serait, dans le premier cas, une sorte de menace, dans le second, une dérision. Vainement donc on prétendrait vouer à Dieu une œuvre mauvaise ou indifférente, on ne peut s'engager par vœu qu'à des actes de vertu. D'un autre côté, il serait absurde de s'obliger à une chose absolument nécessaire, par exemple, à mourir ou à ne pas s'envoler dans les airs. Les choses nécessaires au salut ne sont l'objet des vœux qu'en tant qu'on les fait librement, car tout vœu implique une promesse volontaire. Il suit de là que, la matière propre des vœux, ce sont les actions comprises tout entières dans le domaine du volontaire, c'est-à-dire celles qui ne sont nécessaires ni en elles-mêmes ni pour le salut, et c'est ce qui fait dire que les vœux ont pour objet un bien meilleur, par comparaison avec le bien nécessaire au salut. Note. Il y a des actions qui sont toujours bonnes, ce sont les actions vertueuses, celles-là, on peut, sans restriction, les promettre par vœu. Il y en a d'autres qui sont mauvaises en toute hypothèse. Elles ne sont d'aucune manière l'objet d'un vœu. D'autres, quoique bonnes en elles-mêmes et susceptibles, sous ce rapport, d'être la matière du vœu, sont sujettes à une mauvaise issue par l'effet des circonstances. Le cas échéant, on ne doit pas les accomplir. Le vœu de Jephté était de cette dernière classe. Il pouvait avoir une fâcheuse issue, et c'est ce qui arriva. Jephté fut imprudent en faisant son vœu, dit saint Jérôme, et cruel en l'accomplissant. Les macérations de la chair, l'éveil, les jeûnes ne sont agréables à Dieu que tant qu'on les pratique avec prudence et discrétion pour mettre un frein à la concupiscence. Dans ces conditions seulement, ces austérités de la mortification sont l'objet d'un vœu. C'est ainsi que l'apôtre, après avoir dit « Offrez votre corps en hostie vivante », ajoute immédiatement « Que votre soumission soit raisonnable ». Romains 12, 1. Quand on doute si ces sortes de vœux doivent être observés ou négligés, il est convenable de consulter un supérieur, on se trompe facilement dans sa propre cause. Mais si recours au supérieur n'est pas possible et que leur observation entraîne manifestement un grand inconvénient, il ne faut pas les accomplir. Ceux qui ont pour objet des choses vaines et inutiles doivent être méprisés plutôt qu'observés. Fin de la note. 3. Tout vous oblige-t-il? Le sage dit, tout ce que vous avez promis par vœu, accomplissez-le. Il vaut beaucoup mieux ne pas s'engager que de ne point accomplir sa promesse après un vœu. Ecclésiaste 5:3 et 4. Nous devons à Dieu, qui assure nous un souverain domaine et qui nous comble de bienfaits, une fidélité toute particulière de laquelle résulte une obligation très étroite pour nous d'accomplir les vœux que nous lui faisons. Ce serait tomber dans une sorte d'infidélité que de les violer. Aussi le sage, assignant la raison par laquelle nous devons acquitter nos vœux, ajoute, la promesse infidèle déplaît à Dieu. Ecclésiaste 5:3. Note. Quand l'accomplissement d'un vœu devient impossible par une cause quelconque, on doit conserver la volonté de réaliser sa promesse dès qu'on le pourra. Si cette impossibilité vient de notre faute, nous devons faire ce qui dépend de nous et recourir à la pénitence pour le péché que nous avons commis. Pour juger de l'étendue des obligations qui nous sont imposées par nos vœux, il faut remonter à l'intention et à la volonté que nous avions en nous engageant. Fin de la note. 4. Est-il utile de faire des vœux? Si les vœux n'étaient pas utiles, le Saint-Esprit n'aurait pas dit « Faites des vœux, et accomplissez-les devant le Seigneur votre Dieu. » Psaume 75, 12. Nous faisons des promesses à Dieu pour notre avantage et non pour le sien. Dieu, selon la pensée de Saint-Augustin, est un créancier bienveillant qui, sans profiter de ce qu'il reçoit, enrichit ceux qui lui donnent. Les vœux que nous lui faisons sont utiles, ils fixent irrévocablement notre volonté dans un bien qui nous est avantageux. Note. La nécessité qui confirme la volonté dans le bien n'affaiblit pas la liberté humaine, Dieu et les bienheureux sont libres, malgré l'impossibilité de pécher. L'obligation imposée par les vœux a un certain rapport avec la confirmation des bienheureux dans le bien. C'est une heureuse nécessité, s'écrit saint Augustin, que celle qui nous force de faire ce qu'il y a de meilleur. Ne vous repentez pas de vos vœux, réjouissez-vous bien plutôt de n'avoir plus la liberté de faire ce que vous n'auriez fait qu'à votre désavantage. Fin de la note. 5. Le vœu est-il un acte de la religion? Isaïe disait, en parlant du culte divin, les hommes honoreront Dieu par des sacrifices et des oblations, ils lui feront des vœux et les accompliront. Isaïe 19, 21. Il est évident que l'on rapporte au service de Dieu ce que l'on voue, donc le vœu est un acte de la vertu de religion. Note. Quelquefois les choses vouées appartiennent d'avance à la religion, comme le sacrifice et la prière, d'autres fois elles sont l'œuvre des autres vertus, comme le jeûne et la continence, dans l'un et l'autre cas, le vœu revient à la religion. Fin de la note. 6. Est-il plus méritoire et plus louable de faire une action par vœu que de la faire sans vœu? Il est plus méritoire et plus louable de la faire par vœu, pour trois raisons. Premièrement, elle devient un acte de la religion, qui est la première des vertus morales. Secondement, celui qui fait le vœu et l'action vouée témoigne à Dieu plus de soumission que celui qui fait l'action seul sans vœu. Il soumet à Dieu, non seulement l'action, mais toute sa volonté, en renonçant au pouvoir de faire autre chose. Donner l'arbre et ses fruits, c'est un plus beau présent que de céder uniquement les fruits. Troisièmement, Le vœu fixe la volonté de l'homme dans le bien d'une manière irrévocable, or faire le bien avec une volonté ferme est une œuvre qui appartient à la perfection de la vertu. Note. Le vœu est de conseil et porte sur un conseil. Si celui qui agit sans vœu remplit un conseil, celui qui agit avec vœu en remplit deux, le conseil qui recommande l'acte, et le conseil qui recommande le vœu. Celui qui fait une action sans vœu, fixe sa volonté à cette action au moment où il agit. Mais celui qui l'a fait avec vœu, s'y attache pour l'avenir et souvent s'engage à la répéter plusieurs fois. Fin de la note. 7. Le vœu est-il rendu solennel par la réception d'un ordre sacré et par la profession religieuse? Le vœu devient solennel dans deux circonstances, lorsque le lévite se dévoue au divin ministère par la réception d'un ordre sacré, et lorsque le postulant embrasse l'état de perfection par la profession religieuse dans un ordre approuvé. Ces vœux lient plus étroitement la conscience devant Dieu que les vœux simples, quoique la violation de ces derniers soit un péché mortel. Note. Les vœux que l'on fait en public peuvent avoir une certaine solennité humaine sans réaliser les conditions de la solennité spirituelle et divine, autres sont les vœux publics, autres sont les vœux solennels. Voyez plus loin la note de l'article 11e. Fin de la note. 8. Celui qui est sous la puissance d'un autre peut-il s'engager par vœu? La loi divine dit, la jeune fille qui, demeurant dans la maison paternelle, a fait un vœu, n'est pas tenue de l'accomplir, si son père n'y consent pas. Nombre 34. Nous lisons la même chose de la femme qui a un mari, Ibidem 7. L'homme soumis à quelqu'un n'a pas le pouvoir, dans la sphère de sa sujétion, de faire ce qu'il veut, il dépend de son supérieur. Dès lors, dans les choses où il lui doit l'obéissance, il ne peut, sans sa permission, s'engager par un vœu irrévocable. Note. L'enfant parvenu à l'âge de puberté peut, s'il est de condition libre, disposer de ce qui concerne sa personne, en choisissant l'entrée en religion ou le mariage, il n'a pas le droit de régler ce qui regarde la maison paternelle. Le religieux, en acceptant les statuts de son ordre, soumet ses actes à l'autorité supérieure. Ces personnes ne pêchent pas en faisant des vœux, car cette condition, si mes supérieurs ne s'y opposent pas, est toujours sous-entendue, mais leurs vœux ne sont point valides sans le consentement des supérieurs. Fin de la note. 9. Les enfants peuvent-ils faire le vœu d'entrer en religion? Avant l'âge de puberté, l'enfant qui a l'usage de raison peut s'engager par vœu simple, mais jamais par vœu solennel, et ses parents ont toujours le droit d'annuler les vœux simples qu'il fait. Après l'âge de puberté, il a le pouvoir de s'obliger par vœu simple ou par vœu solennel, sans la permission de ses parents. Note. L'âge de puberté est fixé à 12 ans pour les filles, et à 14 ans pour les garçons. Le Concile de Trente exige l'âge de 16 ans et une année de noviciat pour la profession religieuse. La loi civile, en France, exige le consentement des parents jusqu'à la majorité. Fin de la note. 10. Peut-on dispenser des vœux? La dispense des vœux se conçoit de la même manière que celle des lois. Celui qui fait un vœu s'impose à lui-même une sorte de loi par laquelle il s'oblige à faire une œuvre bonne en elle-même et dans la plupart des cas. Or il peut arriver, par la force des circonstances, que cette œuvre devienne ou mauvaise, ou inutile, ou contraire à un plus grand bien, alors elle n'est plus la matière légitime d'un vœu. De là la nécessité de prononcer que le vœu qui la concerne ne doit pas être observé. Le décide-t-on d'une manière absolue, c'est la dispense, prescrit-on une autre œuvre à la place de celle qu'on devait faire, c'est la commutation. Commuer un vœu, c'est moins que d'en dispenser, l'Église peut faire l'un et l'autre. Note. En décidant avec autorité qu'il n'est pas convenable que telle action, dans le cas présent, soit à la matière d'un vœu, le supérieur ecclésiastique ne dispense ni d'un précepte naturel, ni d'un précepte divin. Il détermine seulement la limite de l'obligation que s'est imposée un fidèle qui ne pouvait prévoir tout ce que renfermait l'avenir. En d'autres termes, l'Église ne dispense pas de la fidélité due à Dieu, mais elle déclare qu'il serait mauvais, inutile ou contraire à un plus grand bien d'observer tel vœu. Fin de la note. 11. Peut-on dispenser du vœu solennel de continence? Lorsque la continence ne tient pas essentiellement à la solennité d'un vœu, par exemple, dans les ordres sacrés auxquels elle est annexée par un décret de l'Église et non par l'essence même des choses, le pape peut en dispenser. Mais si elle est essentiellement liée à la solennité du vœu, comme dans la profession religieuse, il ne le peut pas. Note. Cette question est controversée, on admet assez généralement que le souverain pontife peut dispenser de tous les vœux. Il résulte de plusieurs décisions de la pénitencerie que les vœux des religieuses, en France, ne sont pas des vœux solennels. Quant à ceux des religieux, la question reste dans le doute. Une réponse particulière du Saint-Père, du 24 avril 1831, suppose que les vœux des trappistes ne sont pas des vœux solennels. Y a-t-il, sous la législation française, des vœux solennels et une véritable profession religieuse? La négative paraît assez vraisemblable. Fin de la note. 12. L'autorité du supérieur ecclésiastique est-elle nécessaire pour la commutation et pour la dispense des vœux? Les supérieurs ecclésiastiques doivent intervenir dans la commutation et dans la dispense des vœux pour déclarer ce qui est agréable à Dieu, dont ils sont les représentants sur la terre. De là ces paroles de l'apôtre. Si j'ai donné quelque chose, je l'ai donné à cause de vous, dans la personne du Christ. 2 Corinthiens 2, 10. Remarquez ce mot, à cause de vous. Les prélats doivent accorder les dispenses pour la gloire du Christ dont ils tiennent la place, et pour l'utilité de l'Église qui est son corps. Note. L'homme qui consacre sa vie tout entière au service de Dieu par le vœu de religion est dispensé de tous les vœux particuliers qu'il a fait dans le siècle, tels que prière, jeûne, mortification. Il ne viole pas ses vœux, car le particulier est renfermé dans l'universel, et, dès lors, il n'a pas besoin de la dispense de son supérieur ecclésiastique. Le droit canon porte que celui-là ne manque pas à son vœu qui remplace une obéissance momentanée par l'observation perpétuelle de la règle d'un cloître, en embrassant ce dernier genre de vie, on meurt à la vie séculière. D'ailleurs, les pratiques particulières sont incompatibles avec la vie cénobitique, et le religieux porte un fardeau assez lourd pour qu'on ne doive pas l'augmenter. Les supérieurs ecclésiastiques ne peuvent pas dispenser des vœux sans raison. Ils sont des économes, et non des propriétaires. L'autorité leur est donnée pour l'édification, et non pour la destruction. 2 Corinthiens 10, 8. Dans le doute sur la suffisance des motifs, le fidèle peut s'en tenir à l'autorité de l'évêque, qui lui accorde la dispense ou la commutation. On est autorisé à se dispenser soi-même que quand l'objet du vœu est évidemment illicite, et que l'on n'a pas la facilité de recourir au supérieur. Pour ce qui est de l'ordre hiérarchique dans la concession des dispenses, le souverain pontife, vicaire de Jésus-Christ, a le pouvoir de dispenser de tous les vœux qui admettent la dispense. Les prélats inférieurs ont celui de dispenser des vœux ordinaires, qui ont pour objet des pèlerinages, des jeûnes ou des choses pareilles, mais les vœux majeurs, tels que ceux de continence perpétuelle et de pèlerinage en Terre Sainte, sont réservés au souverain pontife. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.